L'enfant réparé, c'est le nouveau livre de Grégoire de la Cour. L'histoire d'une enfance abîmée et d'une famille où l'on porte le déni comme une armure. Le parcours d'un grand écrivain qui se cache derrière les mots avant de se reconstruire grâce à eux. L'enfant réparé de Grégoire de la Cour, un récit littéraire bouleversant, aux éditions Grasset. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, Les impasses de la migration, une série de Raphaël Kraft réalisée par Guillaume Baldi. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce que les politiques se durcissent à l'égard des exilés qui continuent de fuir, quitte à avoir du mal à trouver leur place ou à ne pas se perdre. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, un potager, une chorale et une jeune fille partagée qui dessine des fleurs. Mais pour commencer, dernier épisode, c'était avant que les États-Unis quittent l'Afghanistan. Cabernet d'Anjou. Une famille afghane en Touraine. Raphaël Kraft et Guillaume Baldi. Ou la continuer, du moins. Ah oui, c'est un coteau du Layon, il est très doux. Ben, il vient du pays du Layon, en fait. Mmh. Et alors, c'est un Cabernet d'Anjou, oui, c'est écrit dessus. Cabernet d'Anjou, d'habitude, c'est demi-sec, donc c'est bien demi-sec, mais ouais, avec un petit... Voilà, des traces de son origine, de ses origines. Bon, on n'est pas venu ici pour parler pinard. Non, ni pour... Non, c'est vrai, mais bon, on va aller à l'essentiel, alors. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, moi, je m'appelle Françoise Rouffignac et je suis une ancienne enseignante du primaire. Je suis une maîtresse d'école, en fait, à la retraite, depuis une dizaine d'années. Alors, la famille Azizi, je l'ai rencontrée parce qu'un autre Afghan, qui était là depuis 2016, Wahid, était soucieux de savoir comment ça peut se passer pour venir d'Afghanistan en France avec un visa. Alors que lui avait fait la route et traversé tous les pays. Mais c'était pour un autre problème dans sa famille. Donc, voilà, la première fois qu'on est arrivé à Avoine, un Aziz souriant, très réservé, très... un petit peu timide même. Mais bon, avec Wahid qui parlait d'Ari, ils ont pu échanger. Donc là, ils sont dans une petite maison HLM à Avoine. Pouvez-nous décrire ce village, la région, leur environnement ? La ville d'Avoine, c'est une grande, une ville qui a pas mal d'argent, paraît-il. On l'appelle le Petit Koweït. Voilà, et qui, enfin oui, disons-le. Hein. Et bon, personne ne manque de rien au niveau structure pour accueillir les enfants, pour accueillir le sport, par exemple. Il y a vraiment tout, quoi. Tout, chaque année, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir construire pour utiliser les crédits. C'est un petit peu ça, quoi. Enfin, là, je le dis, mais bon, c'est ce qu'on dit, donc je répète. Mais c'est vrai, Avoine est une ville riche, accueillante. Il y a une médiathèque, on peut y aller, qui est formidable. Les écoles ont tout ce qu'il faut, les collèges, je pense. Et bon, mais c'est une ville, je pense, qui le soir un peu ferme ses trottoirs. Il n'y a pas trop de vie, il me semble, hein, vu de l'extérieur. J'ai jamais habité à Avoine, qui me semble peut-être le soir. Bon, chacun est dans sa maison. Alors, ils sont éloignés, mais Aziz et son fils sont souvent à Chinon. Je les crois souvent à Chinon. Ils viennent pour les cours, bien sûr. Ils viennent pour rencontrer aussi, sans doute, leurs compatriotes. Et ça, pour ça, Aziz, il est bien, bien perçu par tous ses compatriotes. Aziz est bienveillant, il est... Et chacun le respecte beaucoup, d'ailleurs. Et lui, il le perçoit comme ça, Aziz. Il est vraiment là. Quand il faut, il est là, oui, il vient. C'est une... En Afghanistan, on dit que c'est une barbe blanche. Aziz, oui. Oui. Da watan mozande d'Afghanistan. C'est-à-dire que c'est un aîné. Voilà, on peut lui faire confiance, on peut lui confier des choses. Oui. Mais là, il l'a presque imposé de lui-même. Enfin, imposé de lui-même malgré lui. Parce qu'il... Malgré lui, mais ouais. Tout à fait, malgré lui. Oui, oui. Parce qu'il dégage... Voilà, parce qu'il dégage quelque chose de... Oui. De solaire. Oui, oui, complètement. Oui, oui. Ouais. Donc, un médiateur, quelqu'un qui est en capacité de régler les problèmes. D'organiser des shuras. Les shuras, c'est des réunions d'anciens pour régler les problèmes. Ou des jirgas. Pourquoi appelle-t-on Avoine le petit Koweït? Ah, mais ça, vous savez, ça c'est une bonne question. On a la chance, je dis pas la malchance, hein, la chance d'avoir une centrale nucléaire sur le territoire de notre commune qui est déjà pourvoyeur d'emploi. 2500 personnes passent la porte tous les jours, tout plus que nous. Et bien sûr, ils amènent des subsides à travers le foncier bâti parce que ça occupe quand même 155 hectares pour la commune. Voilà pourquoi les autres sont envieux. Donc Didier Godoy, maire d'Avoine et vice-président de la communauté de communes, élu depuis maire depuis 2014. Une famille afghane est arrivée dans votre village il y a un an et demi. Comment ça s'est passé? Oui, je vais revenir aux sources. En 2016, l'État français nous a demandé à nous, maires, une réunion à sous-préfecture à l'époque d'accueillir des réfugiés syriens. En provenance de Calais. En provenance de Calais, voilà, après le démantèlement de Calais. Et donc, moi, j'ai fait voter mon conseil municipal, 17 voix favorables et 2 abstentions. Donc, à partir de là, j'ai accepté d'avoir des réfugiés sur le territoire de ma commune. Et quand ils ont demandé pour cette famille afghane, j'avais aucune raison de refuser des Afghans sur le territoire de la commune. Surtout, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était des gens très discrets et voilà, aucune velléité. Alors, je vais revenir sur un problème qui est politiquement incorrect de parler de quotas. Une petite commune comme nous, nous sommes 1900 habitants. Quand vous avez 10 réfugiés sur le territoire de la commune, ils sont acceptés et les gens sont très généreux avec eux et ils sont très acceptés. Si demain, vous m'en mettez 200 sur le territoire de la commune, là, vous risquez d'avoir des problèmes. Christelle Simonner, comment avez-vous rencontré la famille d'Aziz? Grâce à ma fille Émilie, qui a été dans la même classe que leur fille Marwa. Elle est arrivée et ma fille a pris Marwa un petit peu sous son aile pour l'intégrer au collège. Voilà. Et elles sont devenues amies, et nous amies avec la famille. Qu'est-ce que vous découvrez lorsque vous rencontrez cette famille afghane? Alors on a été invités à manger. J'ai accompagné Marwa à l'hôpital aux urgences, et pour nous remercier, ils nous ont invités à manger. Je le savais, mais j'avais jamais vécu des femmes qui mangent pas avec nous. Donc c'est surprenant. Voilà. Alors si ça peut vous rassurer, quand il n'y a que des hommes invités à la maison, ce sont les hommes qui font le service. D'accord. En l'occurrence, Aziz et son fils aîné. Est-ce que vous êtes au fait de l'actualité internationale, de ce qui se passe en Afghanistan? Du coup, j'y fais plus attention maintenant. Mais oui, oui. Et voilà, Aziz nous a raconté ce qu'il a vécu quand il était jeune, ce qu'il a vécu avant de partir. Et oui, on en a discuté il n'y a pas longtemps, il y a eu des attentats. Et oui, on suit. Christelle, est-ce que vous pouvez nous présenter la famille d'Aziz? Donc, Aziz, sa femme, son fils aîné et 4 filles. 5 filles dans une petite maison. Alors, je crois qu'il y a 4 chambres de mémoire. Pour moi, c'est une belle petite maison. Ils ont un petit jardin et ils ont un potager que j'aurais permis d'avoir d'ailleurs. C'est moi qui. En fait, Aziz m'a demandé pour si je connaissais quelqu'un qui avait un bout de terrain. Et nous, on a des gîtes et on a 1200 mètres carrés de terrain. Et avec mon mari, on s'est dit, bah. Ça lui faisait 2-3 km à pied. Je lui ai proposé. Je lui ai dit que la terre n'était pas très bonne, mais voilà. Il m'a dit que lui, il en avait besoin pour s'occuper. Donc, je lui ai dit qu'il y avait des vélos. Il pouvait prendre les vélos pour faire les allers-retours. Et je savais qu'à Avoine, donc beaucoup plus proche de chez lui, il y avait des jardins partagés. C'est ça. Et il y a une dame qui en a laissé un et personne n'en voulait. Donc, du coup, ça a été pour lui. Il l'a eu. Donc je les ai mis en relation. On a fait les papiers. Et puis je crois que ça marche bien. Ils ont pas besoin de moi. Il a ses légumes. Je m'appelle Aziza, j'ai 9 ans. Je viens d'Afghanistan, je suis en CE1. J'ai 5 sœurs et un frère. 4 sœurs et un frère. Oui. Ma grande sœur, elle a 21 ans. Ma deuxième sœur, elle a 18 ans. Ma troisième sœur, elle a 15 ans. Ma quatrième sœur, elle a 11 ans. Mon frère, elle a 23 ans. Ma mère, elle a 43. Et mon père, il a 51 ans. دا اتلسمه سنره زادن د ماته شروالی لخوانه راکل سوی ده اما کریستین د منګا عزیز رحمان روان citoyen afghan réfugié en France. La mairie m'a donné le dernier jardin disponible. C'est grâce à mon amie Christine qu'ils me l'ont donné rapidement. Et là, vous voyez, il y a différents légumes. Ce sont des tomates, du poireau afghan, et ça, ce sont des oignons. À côté, il y a une certaine variété d'épinards. Il y a du persil et aussi des haricots verts. Là, à côté, j'ai cultivé des gombos. Ici, de ce côté, il y a des concombres. Il y a une autre variété de légumes qui s'appelle des torayis, que j'avais commandé en Afghanistan car ils n'existent pas en France. Voilà, c'est tout ce que je cultive ici quand je reviens de la formation de français, l'après-midi. J'aime beaucoup les plantes. Même si je suis fatigué quand je viens ici, je me sens apaisé. C'est très intéressant de travailler ici. Je ne sens pas la fatigue. Vous dites que ça vous détend de faire le jardin. Ça veut dire que vous êtes... C'est stressant votre situation d'exilé en France ? Oui, nous sommes des réfugiés afghans. Il y a eu beaucoup de problèmes en Afghanistan. Comme nous avons travaillé avec l'armée française, nous étions particulièrement persécutés par les habitants. Ma famille également était malmenée. Là-bas, ils nous appelaient les chiens des Français ou les fils des Français. Ils nous appelaient également Moled, infidèles. Ils nous disaient que nous étions des infidèles, des chrétiens, et une fois les militaires partis, que nous étions des restes de Français. Les gens nous maltraitaient. Nous étions menacés de toutes parts. Même l'armée et la police nous maltraitaient. En Afghanistan, les gens qui travaillaient pour les forces étrangères ou avec les forces étrangères rencontraient de grandes difficultés. Ils nous regardaient comme des ennemis. Nous recevions continuellement des avertissements et des menaces de mort. Les trois piliers du Pashtun Wali, donc du code d'honneur des Pashtuns, c'est l'hospitalité, l'honneur et l'asile. Ici, à Avouan et à Chinon, nous avons été très bien accueillis, notamment par les habitants, les bénévoles et les institutions locales. En fait, il y a des travailleurs publics qui étaient gentils avec nous. Par exemple, quand je me suis présenté en disant que j'avais travaillé avec des soldats français, ils ont été très accueillants. Mais le ministère français de la Défense ne m'a donné que le visa, rien d'autre. Nous étions traités différemment de ceux qui étaient venus avec nous. Pour ceux-ci, on leur avait acheté des billets d'avion. On les avait guidés jusque-là. Oui, le Pashtun Wali est très important, et je ne l'ai pas senti ici. Il y a un proverbe sur les fumeurs de hashish qui dit « Un fumeur demande secours à un autre fumeur, car il est en train de se noyer. L'autre lui donne la main, il lui dit « Que tu sois dans l'eau ou au-dessus de l'eau, tu es toujours mon ami. » C'est-à-dire, si tu es mort, tu es mon ami, si tu es vivant, tu es mon ami. » Il y a un deuxième proverbe. C'était à l'époque de la guerre civile. Par exemple, quand un soldat de Hekmatyar se blessait ou décédait, on disait « Si tu es en vie, tu appartiens à Hekmatyar. Si tu es blessé, tu appartiens à tes parents. Et si tu es mort, alors va te faire foutre. » Alors oui, j'ai été choqué ici. Les gens prennent soin des chiens. Ils s'occupent d'eux parce qu'ils les aiment. Mais en Afghanistan, les gens les gardent pour se protéger. Ici, les chiens ont leur chambre. Les gens les sortent pour les balader, pour faire du sport. Ils les emmènent en voiture. Les chiens ont une grande valeur ici. Mais moi, j'ai tout laissé derrière. Et j'ai le sentiment de ne plus avoir de valeur. Alors, soit de votre du responsable ou de votre tuteur. Vous vous souvenez qui c'est le tuteur? C'est votre tuteur qui va vous accompagner et vous expliquer tout le travail en stage. Pauline Mijignac, je travaille pour l'association UFCV où je coordonne les actions de formation sur le département de l'Indre-et-Loire. C'est quoi ce contrat d'intégration républicaine ? Alors, je vais essayer de faire simple. Donc, toute personne qui est vouée à s'installer durablement sur le territoire se doit de signer ce contrat d'intégration républicaine, sauf les étudiants étrangers qui, eux, sont avec l'université, mais du coup, les bénéficiaires de la protection internationale, donc réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire, les personnes qui ont un statut de vie privée familiale, donc parents, conjoints de Français, et les personnes salariées, signent, s'engagent avec donc l'État, donc l'Office de l'immigration, avec ce contrat d'intégration républicaine. C'est un engagement mutuel, ils doivent en respecter les règles et l'État s'engage à leur fournir l'accès à des droits. Donc les droits, c'est l'apprentissage de la langue française s'ils n'ont pas le niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues et l'accès à 4 journées civiques et citoyennes avec la possibilité d'avoir un traducteur dans leur langue d'origine. Ce contrat dure 1 an. Et donc nous sommes prestataires pour la formation linguistique. Et l'idée, c'est que, voilà, OK, on est là ensemble pour quelque chose qui est obligatoire, mais on va faire que ça se passe au mieux. Donc on a, nous, des thématiques à aborder pour qu'ils deviennent autonomes dans leur vie quotidienne. C'est-à-dire ? Les déplacements, l'accès aux soins, à la santé, la vie professionnelle et la citoyenneté. Donc tout ce qu'ils ont à savoir pour bien vivre en France. On va vraiment rebondir sur ce qui est vu dans les journées citoyennes. Tout ça en français. Donc évidemment, leur compétence en français grandit à chaque fois. Et pour la famille Azizi, ce qu'on a pu noter, c'est que même au temps des pauses, que ce soit le midi ou les pauses en demi-journée, ils continuent. Enfin, c'était les seuls à continuer à travailler, à avancer sur à l'écrit notamment. Et on sait aussi que, par exemple, pour Adia, qui n'a pas été scolarisée, donc l'épouse de Oui, pardon. qui n'a pas été scolarisée donc en Afghanistan, c'était vraiment très important, voire sacralisé, le fait d'être, de pouvoir accéder en fait à l'apprentissage d'une langue, mais d'être et de l'écrit. Ouais, de l'écrit et d'être à l'école. Enfin, d'avoir papier, stylo, un classeur. On fait très attention, surtout pour ces profils-là, en situation d'alphabétisation. À ce qu'il y ait vraiment des rituels. On les infantilise pas parce que c'est des adultes, mais on sait que c'est important aussi dans l'apprentissage. Donc ça va être noter la date au tableau pour tout le monde, commencer par telle thématique, etc. Et écrire. Accéder à l'écrit, ça a été, je pense, pour elle, vraiment important. Habillé, oui. Alors, on avait parlé d'autre chose. Bien habillé, oui. Oui. Mais qu'est-ce qu'on avait dit ? Bien écouter le conseil. Alors, d'abord sur les vêtements, Assil. D'abord. Sur les vêtements. On avait dit bien habillé, mais il faut être dans des vêtements où on est à l'aise, où on est bien, confortable. Oh oui. C'est ça. Faut pas acheter des vêtements tout juste pour le stage où on va pas être bien. Si on n'est pas habitué aux vêtements, on sera pas bien. Et comment vous, comment vous d'abord, et ensuite vous voyez votre père négocier avec cette nouvelle culture ici? For me, it was not something new here in culture because in Afghanistan, so I travel a lot out of Afghanistan also. So for I was aware of culture. Pour moi, ça n'a pas été difficile. Je m'étais informé sur la culture française. For my family and my father, everything was totally new. Like, for example, par contre, pour mon père et ma mère, c'était autre chose. Tout était nouveau pour eux. Par exemple, ici, en été, les gens portent des shorts et mes parents ne comprenaient pas comment les gens ne pouvaient pas être honteux d'être vêtus comme ça. So it was like that also with off in classes, like when we started learning, going to some classes. Pareil. Lorsque nous avons assisté à nos premiers cours de français, c'était des classes mixtes et ça n'était pas facile pour nous. Mais petit à petit, nous avons appris à connaître cette culture. Au début, ça nous rendait timides vis-à-vis des gens. Nous ne faisions pas d'efforts pour aller vers les autres. Because you're shy. Parce que vous êtes timide, vous dites. Shy. Yeah. in first day, so we reach in Nantes. Oui, les premiers jours où nous sommes arrivés en France, nous étions à Nantes. On était assis dans le tramway. Nous avons vu cette jeune femme habillée en short, portant un t-shirt. Et pour nous, c'était totalement inédit. Nous n'avions jamais vu ça à la télé. Alors le voir de nos propres yeux, c'était difficile et nouveau pour nous. It was something new for us. Et maintenant ça va? And now it's okay? For me now it's okay, so I can't say anything. For you? Yeah, for me it's okay. Pour moi ça va, mais je ne sais pas ce qu'il en est pour ma famille. So vous n'avez qu'à leur demander. You can ask them that it's okay for them or not. J'imagine que la situation doit être très difficile pour votre mère. In our house, the most difficult was for my mom, yes, because. À la maison, oui, c'est pour ma mère que ça a été plus difficile. Tout était nouveau pour elle. Même en Afghanistan, elle n'avait jamais voyagé. Elle restait tout le temps à la maison. Tout est nouveau pour elle et mes sœurs. Mais je pense que petit à petit, les choses vont s'arranger. For her also. Est-ce que vous avez un regard vous portez un regard différent sur votre mère et vos sœurs maintenant que vous êtes en France? Yes. I will say truth. Yes, I mean because still I in my mind I feel like it's. Oui, mais pour vous dire la vérité, j'ai été éduqué en Afghanistan et ma culture est ancrée en moi depuis l'enfance et elle l'est encore aujourd'hui. Et donc ça va prendre du temps que je trouve normal de les laisser sortir seuls. Okay. Now you can go alone. Tu es optimiste? Are you optimistic? No, it was not optimist. I mean like still I feel something like it was not like that. Still I'm thinking like oh. Il ne s'agit pas d'optimisme. Ce que je veux dire, c'est que je suis inquiet qu'elle ne trouve pas leur chemin dans la rue et qu'elle se trouve en difficulté parce qu'elle ne parle pas le français. She will get in trouble outside because I know like sometimes they went to shopping center, so. When they are paying, so they get in trouble because in Afghanistan everything was in cash. So here with UFI card, you have par exemple, to only pay. Quelquefois, lorsqu'elles vont faire les courses, au moment de payer, elles ont des problèmes parce qu'en Afghanistan, on paie tout en cash, alors qu'ici, elles n'ont que la carte de retrait de l'OFI, l'Office français de l'immigration. Et donc, parfois, elles m'appellent pour que je leur vienne en aide. Ou bien, je suis un homme qui n'a pas de Ma mère pleure toujours sur moi. Elle me dit que je lui manque tellement. Elle me raconte que, dans le district de Saroubi, chaque jour, on annonce les funérailles de 5 ou 6 corps à la mosquée. Et elle répète, « Merci Dieu, mon fils est parti d'Afghanistan, et au moins il est vivant. » Depuis que nous sommes arrivés à Avoine, donc à côté de Chinon, en Touraine, on a rencontré les hommes et les femmes qui s'occupent de vos enfants, qui s'occupent de vous, qui vous aident à vous intégrer au pays, qui vous aident à vous permettre de vivre en France. Et par le contact qu'ils ont eu avec vous, la façon dont ils vous perçoivent, la confiance que vous leur accordez, on dirait que vous leur offrez vos enfants et votre destin, et que ça constitue un point de non-retour, en ce sens que la petite Aziza, elle sera certainement beaucoup plus française qu'afghane. Comment vous le vivez, ça ? C'est normal qu'un adulte soit plus attaché aux coutumes et aux traditions qu'une personne plus jeune. Il y a donc une différence entre les générations. J'ai remarqué qu'Aziza, ma cadette, oubliait petit à petit la langue pachto et adoptait la plupart des habitudes françaises. Par ailleurs, la famille joue également un rôle essentiel dans l'éducation des enfants, car les enfants apprennent du comportement et des actions des autres membres de la famille. Il est évident qu'il y a un changement dans le comportement des enfants, mais mesuré. Depuis que nous sommes arrivés en France, dans les moments où nous portons des vêtements afghans, lors de certaines festivités, ou quand les enfants portent le foulard à l'extérieur de l'école, nous n'avons rencontré aucune réaction négative de la part des locaux. On nous a juste poliment demandé de ne pas faire porter le foulard aux enfants à l'école. Est-ce que vous pensez que leur futur est plus enviable ici qu'en Afghanistan ? Le futur de vos filles ? Oh, Delta Dir Khada, Khususan de Khazala Para Faransa Seda, Matsulida. Oui, l'avenir de mes enfants en France sera meilleur, notamment pour les femmes, car c'est un endroit sécurisé. En Afghanistan, tout se présente avec deux faces, l'apparence et l'intérieur. Par exemple, la plupart des gens brandissent la charia en apparence et font la distinction entre ce qui est halal et ce qui est haram, mais font secrètement des choses qui sont contraires à la loi islamique. Mes enfants en France ne sont pas éloignés de la culture afghane, car il y a une diaspora afghane dans le monde, notamment en Europe. Ma deuxième fille est fiancée à un garçon afghan. Chez qui on va là, Aziza ? Chez Julie. Chez Julie ? Ouais. C'est qui Julie ? C'est une artiste. Une artiste ? Oui. Elle nous apprend à dessiner. C'est là ? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Julie. Hello. Julie Vérin, artiste. Ah, bien rentré donc. D'accord. Alors, comment tu fais ? C'est ton siège, Aziza. Ça va ? Je te sais, toi. Donc voilà, Marwa a passé une semaine ici, pardon, en stage. Et Marwa, en fait, en quelques heures, avait fait un dessin absolument magnifique. Donc le lendemain, elle est arrivée, j'ai fait attends. Je lui ai sorti une grande feuille. J'ai regardé. Et puis Marwa, très à l'aise sur ses grands formats, elle a rempli. Elle a rempli ce format magnifiquement à la fin de ce stage, je lui ai proposé de venir en fait un jour dans la semaine à l'atelier pour dessiner, continuer à dessiner. Et Aziza était un peu jalouse, toute seule là à la maison, à voir, voir les dessins de Marwa. Du coup, elle a voulu venir aussi. Vous faites ça bénévolement, Julie ? Oui. Oui, tout à fait. Enfin, j'ai vraiment proposé à Marwa comme ça à la fin du stage. C'est tout à fait. Qu'est-ce qu'elles dessinent, ces jeunes filles, et qu'est-ce qu'ils disent leurs dessins ? Elles dessinent principalement des fleurs, beaucoup de fleurs. Donc, il y a une aisance et une capacité de concentration aussi qui est incroyable. Du peu qu'on observe, on dirait que c'est un petit échappatoire ici, ou un petit refuge. Alors j'en ai aussi la sensation, oui. Cette famille vient d'une région, sinon reculée, en tous les cas en dehors de la capitale Kaboul de l'Afghanistan, au sein d'une communauté extrêmement patriarcale, et se retrouve tout d'un coup dans un environnement complètement différent. Et je me demandais si vous, en votre qualité de Française, comment vous appréciez et comment vous découvriez la situation dans laquelle ces jeunes filles qui n'ont jamais vu d'homme auparavant, ou sinon à travers les fenêtres, comment vous le ressentiez, vous perceviez la façon dont elles s'adaptaient à leur nouvel environnement. Sans jugement. Alors, moi j'ai été confrontée à des situations avec Marwa, surtout au début, enfin la première semaine. Moi j'ai ressenti de la peur beaucoup chez elle quand en fait il y a des amis qui pouvaient passer dans l'atelier chanter quelque chose même une angoisse en fait chez elle, et puis ça s'est maintenant elles sont habituées et ça se passe de manière plus simple, où elles me demandent ah c'était qui, ah bah oui bah là c'est un ami, ah mais il fait quoi, bon. Et avec Marwa aussi, on a discuté. Même elle m'a montré une chanteuse afghane, féministe. On a parlé un peu de féminisme avec Marwa. C'est-à-dire ? De liberté de la femme, d'indépendance de la femme. Hein, on en a parlé, ouais. Moi, je suis une femme seule, indépendante, avec mon atelier. Je me pose aussi cette question-là, de cette image-là. Et je vois que... Aziz me fait aussi entièrement confiance. Après, moi, je sais pas exactement comment ça se passe chez eux, entre eux. Je sais que, culturellement, c'est... Après, elles sont 5 filles, quand même, à la maison. Enfin, je me dis, elles ont un peu plus de pouvoir, quand même. Quand elles arrivent ici, il y a toujours une tenue... qui est une tenue un peu sévère même d'elle-même, et qui elle se lâche au fur et à mesure, c'est-à-dire que quand une fois qu'elles arrivent, hop, elles mettent leurs affaires et tout, et puis on commence à parler, puis on commence à rire, et c'est vrai que j'ai pas parlé de cette question aussi du voile ou Marwa. Il y a des jours où ça lui arrive, hop, et elle se dévoile, et j'ai... elles se mettent à l'aise comme elles veulent. Enfin, ça a toujours été le cas. Mais et il se passe que toujours 10 minutes avant de devoir partir, elles regardent l'heure et là, attention, faut qu'elles soient prêtes. Enfin. Est-ce que tu te souviens de l'Afghanistan ? Oui. C'est comment ? C'est magnifique. Il y a des montagnes près de chez nous, mais pas trop loin. Et même en été, on voit les neiges éternelles. Tu sais, les neiges éternelles, c'est quand il y a de la neige sur le haut des montagnes, même en été, hein, c'est vrai, hein ? Oui. Ouais. C'est beau, ça ? Oui. Ouais. Et quand le soleil se couche, la neige, elle devient toute rose. Oui. Hein ? Comment on dit en pachto ? Voilà. Quand en ça neige. Devient rose ? Chafak. Oui. Tu savais ce mot, ouais. Oui. C'est ton papa qui me l'a appris. Alors pourquoi vous avez quitté Surobi pour aller à Kaboul ? Parce qu'on prenait des tickets pour aller en France. Pourquoi vous deviez aller en France ? parce qu'il y avait la guerre. Et les talibans voulaient tuer mon père parce que c'était un journaliste. Bah, mon père, elle avait dit qu'on va en France pour pas les talibans lui tuer. C'est qui les talibans? Bah, c'est des gens qui veulent de l'argent pour être riches. Et si on refuse de donner l'argent, on tue des gens. Ah oui? Oui. Et quand ton papa t'a dit que vous deviez aller en France, qu'est-ce que t'as pensé? T'étais triste? T'étais heureuse? Heureuse et triste un peu. Ah, les deux en même temps? Oui. Parce que je voulais quitter mon pays et j'étais contente parce que quand on part, bah, mon père peut. Les talibans ne peuvent pas tuer mon père. Oui. Quelle est la différence entre la France et l'Afghanistan? Bah, ici, il y a les garçons et les filles qui sont dans la même école, et dans l'Afghanistan, il n'y avait que des filles. Ici, les femmes, elles ne mettent pas d'écharpe, et dans l'Afghanistan, elles mettent. Oui. Mais ça, c'est quelque chose qui n'a pas dû être trop difficile pour toi, parce que tu es une petite fille, donc tu n'es pas obligée d'en mettre en Afghanistan. Non, mais quand je vais avoir mes 10 ans, je vais les mettre. Ah oui? Oui. Tu es contente? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai eu de nouvelles amies, j'en ai beaucoup à l'école. Et... Non, je te demandais si t'étais contente de mettre le voile quand tu auras 10 ans. Oui. Oui? T'as pas l'air sûre. je sais pas trop sûr. J'ai dit que quand je vais avoir mes ans, je vais le mettre, mais j'ai changé d'avis. J'ai dit que je vais mettre à mes 10 ans. Ah, c'est curieux parce que dans la famille, c'est toi qui es la plus petite et c'est toi qui parles le mieux le français, j'ai l'impression. Oui. Pourquoi? C'est que tous les soirs, mon père m'a travaillé à faire ça. Et j'ai compris comment ça marchait à prendre le français. T'as compris que c'était important? Oui. Donc là, t'es en CE1, tu as 9 ans. Tu vas bientôt aller au collège. Ensuite, tu vas aller au lycée. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais travailler. Par exemple, faire de l'aventure, être une dentiste, vendre des choses comme des vêtements. Hier, quand tu étais au cours de dessin, on a compris qu'il y avait des mots de pachto que tu oubliais maintenant. Oui, un petit peu, pas beaucoup. Et tu essayes quand même de parler le pachto pour pas le perdre? Oui. Ouais. C'est important pour toi? Pourquoi? Parce que c'est ma langue et... Puis c'est une façon pour toi de communiquer avec tes parents, tes sœurs? Oui. Une dernière question. Est-ce que tu as l'impression que tes parents sont heureux et tes frères et sœurs sont heureux ici ou est-ce que parfois ils sont tristes? Mes sœurs sont un peu tristes parce que... Quand on était à Afghanistan, ils étaient heureux parce qu'ils avaient beaucoup d'amis, mais ici, ils n'ont pas trop d'amis. C'est toi qui as beaucoup d'amis ici? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que tu voudrais dire? Non. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Bonjour. Vous-même, bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour, les enfants. Voulez-vous entrer? Donc, vous avez vu, nous avons deux entrées depuis le Covid. Oui. C'est vrai que Safa et puis Aziza ne se voient pas dans la cour. Okay. Elles ne se voient pas beaucoup dans la journée non plus. Parce qu'il y en a une chez les petits, une plutôt chez les grands. Voilà. Pour Safa, c'est peut-être un peu plus dur que pour Aziza, mais Aziza, je ne suis pas inquiet. Non, Safa, ça va très bien. Elle a des amis. Ouais. Elle a des amis. Ouais. Elle a beaucoup progressé en français. Et c'est vraiment, moi je dis une fierté de l'école républicaine, d'avoir pu les aider, qu'elles soient intégrées comme ça par les autres camarades. Je vous laisse entrer dans l'école. Là, vous avez près de la porte la maîtresse de Safa cette année, Madame Camard. Donc moi, je suis la maîtresse d'école de Safa, donc, que j'ai accueillie cette année. Safa, elle est arrivée l'année dernière dans l'autre classe et je me souviens de la première journée où je l'ai vue. La pauvre, pas un mot de français. Et puis hop, on va à la piscine. Et là, ça a été quelque chose, quoi. Débarquer comme ça dans une école, la piscine et tout, ça a été... Et surtout que la relation au sport pour les filles en Afghanistan, c'est pas simple, visiblement. Et je me souviens, sa femme m'a dit qu'en fait, en Afghanistan, les filles ne pouvaient pas faire de sport. Et ça a été c'est quelque chose. Et on a fait une journée JMA, donc il y a 2 jours. Et en fait, c'est les journées mondiales de l'athlétisme, donc c'est au niveau national, je pense. Safa, en fait, elle s'est éclatée ce jour-là. C'était super. Et en fait, elle est athlétique. Et donc, c'est super qu'une petite fille comme ça puisse s'épanouir dans le sport. Et voilà. Puis après, bon, il y a la classe aussi. Lorsque je vous ai contacté par téléphone, je ne sais pas comment on en est venu à parler musique, mais vous m'avez dit que vous étiez de la clarinette et je vous avais dit « Est-ce que vous pourriez travailler un morceau de musique traditionnelle afghane, préférablement pashtoun ?» Où vous en êtes ? Bon, j'ai une formation classique au départ, il y a très longtemps. J'ai fait du jazz aussi, mais la musique pashtoun, c'était pas... Ouais, enfin, vous étiez intermittent du spectacle. Si ça a duré que 3 ans, 4 ans, 3-4 ans, hein. Mais c'était quand j'avais 20 ans. Bon, elle est j'en ai 60. Elle est dans mon bureau, elle est encore dans sa boîte. Je vais la monter, mais c'est vraiment, ça, pour moi, ça ne ressemble pas à la musique pashtoun. J'ai écouté, je suis allé sur YouTube, j'ai écouté des petites choses que j'ai entendues. Et c'est vrai que ce que j'ai entendu, il n'y a pas beaucoup... pas de clarinette dedans, donc je vais la monter, je vous fais un essai, vous garderez 3 notes. Ça a l'air d'être un peu paradisiaque, hein, le village d'Avoine, l'école, tout est propre, votre école est magnifique. J'avoue que c'est un bonheur de pouvoir finir sa carrière à Avoine, c'est un bonheur de pouvoir y enseigner. Et quand on y est, on n'a pas envie d'en partir. Comment ça se passe lorsque vous apprenez la venue dans votre établissement de 2 jeunes filles afghanes? Alors pour Safa et Aziza, on a été prévenus par la mairie, qui avait elle-même été prévenue par l'association Adoma, qui s'occupe de les loger. Et donc on m'a dit, la semaine prochaine, vous aurez 2 petites filles afghanes qui s'appellent Aziza et puis Safa. Et puis c'est tout ce qu'on m'a dit, elles sont à peu près de l'âge de CPCE1, et vous verrez. Et donc on a attendu qu'elles arrivent, et puis on s'est débrouillé. Mes collègues sont des gens qui sont passionnés. Elles sont d'une extrême bienveillance, toujours à l'écoute des enfants, toujours prêtes à tout faire pour les faire progresser. Et Safa et Aziza, elles aussi, se sont données à fond pour entrer dans l'apprentissage de la langue française. Et puis ce sont des enfants qui ont été bien accueillis par les autres enfants. Et du coup, tout s'est bien passé. Et puis la famille était demandeuse d'école. La famille, le papa est toujours très très gentil, même s'il reste un peu éloigné. Mais il dit bonjour. J'ai tout de suite compris qu'il y avait un code. On se met la main sur le cœur, donc j'ai répondu pareil. Et puis je suis allé le trouver quand même. Je voyais qu'il ne s'approchait pas de l'école, mais je pouvais vous approcher de l'école. J'essaie toujours un peu de parler avec lui quand je le vois. Comment ça se passe là? On est toujours frappé par la capacité d'absorption d'une nouvelle culture et d'une nouvelle langue par les enfants en jeune âge. Comment ça se passe? On dirait qu'en quelques mois seulement, ces 2 jeunes filles ont réussi à rattraper le retard, à avoir un niveau de français suffisamment bon pour suivre les cours. Je pense que les enfants ont une grande capacité d'adaptation. Ils s'adaptent beaucoup plus facilement que les adultes parce que ils sont plus jeunes, ils sont curieux. parce que ils ont une force mentale que peut-être nous on n'a plus, tout simplement. Après, bon, je ne vais pas dire que Safa et Aziza soient déjà et le même niveau en français que leurs condisciples actuellement. Mais j'ai entendu dire l'autre jour par la maîtresse d'Aziza qu'elle avait fait une production écrite en français qui était supérieure à la production écrite d'enfants qui étaient nés en France. Parce que elle est bien entourée à la maison, elle est bien suivie à la maison, parce qu'elle a envie de réussir, parce qu'il y a tout un contexte qui fait que c'est une enfant qui peut-être va se donner les moyens de réussir aussi. Je pense qu'il y a un suivi éducatif à la maison. Même si les parents n'ont pas la même culture que nous, je pense qu'ils sont en France, ils ont envie que leurs enfants s'intègrent. Et ils doivent savoir que ça sera plus facile pour les filles de s'intégrer que pour eux, puisqu'elles vont progresser plus rapidement en français. Comme je suis en France, je suis en sécurité. Quand je travaille ici, je me sens bien, car tous les individus ont la même valeur pour moi. Bien sûr que lorsque quelqu'un est expatrié, son pays de naissance lui manque. Mais là-bas, j'ai des ennemis, et c'est un honneur pour moi de travailler ici. Maintenant, je me sens bien, et j'aime cette terre parce que je respire ici. J'ai à boire et à manger. Et il ne faut pas que j'oublie ça. Mes enfants font des études ici et ils sont tranquilles. Ils mangent mieux qu'en Afghanistan. Ils ont une bonne école et ils ont beaucoup de possibilités. Je ne m'énerve jamais ici. Pour certains Afghans, oui, il y a des différences entre France et Afghanistan. En Afghanistan, il y a de la poussière, mais ils n'ont jamais oublié cette poussière. Certains pensent qu'en Afghanistan, c'est mieux qu'ici. Moi, je ne suis pas comme eux. Pour moi, toutes les terres sont semblables, et il faut respecter la terre. Je n'oublie pas ce que j'ai, et je me fais un devoir d'être reconnaissant. Je suis content de mon travail. Je ne sens pas la fatigue. Dis-lui, quand l'épée casse, il faut quand même avancer. Pour s'intégrer dans la société française, je dois apprendre le français, qui est une langue très compliquée. Si je veux devenir professeur ou journaliste, ça prendra du temps. Maintenant, je vais rester dans le domaine de l'agriculture pour être tranquille et ne pas avoir de déception. Je ne me fatigue pas car j'aime travailler. Par exemple, en Afghanistan, j'avais un haut niveau d'études, mais le niveau d'études des Européens, et particulièrement en France, est très élevé, et la langue est très importante. Pour m'épanouir, je veux travailler dans l'agriculture et ce que je peux trouver comme métier. Et ce n'est pas trop difficile de, quand on a été un notable dans une ville comme Surobi, un intellectuel, un journaliste, connu et reconnu par ses pairs, de devenir un anonyme et travailler la terre avec toute la noblesse que constitue le travail de la terre. C'est clair que je me sens diminué, mais c'est la vie. Ça fait mal quand je pense à ma vie en Afghanistan. Par exemple, quand je me rendais dans un bureau en Afghanistan, tous se levaient et me respectaient, et ils m'offraient du thé. Ils travaillaient tous sous ma responsabilité. Mais ici, je suis un réfugié. Je ne suis personne. Dis-lui qu'on va récolter des poireaux afghans et après on le mangera à la maison. Comment ça s'appelle en pachto ça? Gandana. Gandana? Oui. Des petits poireaux. Oui, petits poireaux. Bon, on va les goûter. Et c'est vous qui allez les cuisiner? Afghanistan, cuisiner n'est qu'interdit. Oh, t'as vu, on s'est dit, Dis-lui que les hommes afghans ne cuisinent pas. Dis-lui que les Afghans ne cuisinent pas, car les hommes travaillent à l'extérieur et les femmes restent à la maison et cuisinent. Je les emmène à la maison où ma femme ou ma fille vont cuisiner. Il n'est pas un seul jour sans que ouvre ton cœur, si tu as les meilleurs amis pour toujours, à chaque seconde, même sans changer le monde, on fait bouger les choses en misant. J'ai connu tout ça. Super. Comment elle s'appelle, votre chanteuse afghane préférée? Ariana Saïd, je crois. Oui, Ariana Saïd, oui. Bon, on écoute une chanson? Oui. C'est une femme qui défend les femmes, notamment. Et elle est vraiment libre, elle ne porte pas d'écharpe. Alors, c'est marrant parce que tu l'aimes, Ariana, mais tu voudrais qu'elle porte le... Enfin, tu l'aimes, mais elle ne fait pas comme tout le monde, on dira. Oui. Alors, pourquoi? Pourquoi tu l'aimes? Parce qu'elle chante bien et ça, j'aime ses chansons. Et ce que j'aime pas, c'est qu'en fait, elle ne porte pas d'écharpe. Les gens la critiquent, j'imagine, en Afghanistan pour ça. Oui. Les chansons d'Ariana Saïd, t'en connais d'autres, j'imagine, Aziza? Oui. De quoi elle parle? Moi, je ne sais pas trop. Elle parle, c'est des chansons d'amour? Oui. Mais ce qui est curieux, c'est que quand on la voit là dans le clip, c'est qu'elle ressemble pas tellement à une femme afghane. Ariana Saïd, pourquoi? Parce que... Comment elle est habillée dans la vidéo? Comme des Français. Mmh. Et se maquille comme des Français. Et ça ne ressemble pas très bien à des Afghanistans. Ça te plaît? Oui, surtout la chanson. Et tu aimes bien comment elle s'habille? Un petit peu. Parce qu'il porte un pantalon et une manche courte. Ouais. T'aimes bien les manches courtes? Oui. Toi, t'as des manches courtes? Non. Bibi Adia Azizi, épouse d'Aziz. Nous mettons de la farine dans l'eau, nous coupons le poireau, puis nous préparons les petits morceaux de pâte avec la farine. Nous mettons le poireau dans les petits morceaux de pâte, nous les cuisinons dans l'eau chaude, préparons la sauce. Nous la mettons dessus, nous pouvons ajouter du yaourt aussi. Nous cuisinons des aubergines et puis nous mettons de la sauce et des morceaux d'aubergines sur les bouts de pâte. J'avais tellement mal, c'était très dur de quitter le pays et la maison. Jusqu'à la fin de ma vie, je n'oublierai pas. Nous pleurions comme s'il y avait eu un décès. Toute la famille, mon père, ma mère, ma belle famille et moi pleurions. C'était une mauvaise journée, très dure, une scène très triste. C'était la première fois que je n'avais pas le visage caché. Nous portions toujours le voile avant. Je me sentais très bizarre. Je ne pouvais pas regarder les gens. C'était étrange, difficile. Vous dites que vous portiez la burqa en Afghanistan. Est-ce que aujourd'hui, vous voudriez la porter à nouveau? C'est quelque chose qui est important pour vous? Il y a un peu de liberté ici, mais nous n'en voulons pas vraiment. Nous voulons nos vêtements traditionnels, notre voile, et il faut que nous respections ce voile. C'était la première fois que je n'avais pas le visage caché quand je suis arrivée en France. J'avais le sentiment que tout le monde me regardait, et je me sentais timide. Je n'avais jamais le visage sans voile hors de la maison en Afghanistan. Vous arrivez à sortir toute seule, aller dans les magasins toute seule? Est-ce que vous aviez peur au début? Est-ce que maintenant ça va mieux? C'était très dur pour moi. C'était étrange pour moi. Au début, je ne pouvais pas aller dans le bus ou dans le train. Je ne pouvais pas sortir toute seule de la maison. Maintenant, j'ai l'habitude, je peux sortir, me promener. J'ai le courage maintenant. Donc vous avez... Et après, je vous laisse faire la cuisine. Donc vous avez, on dirait, à vous entendre, que vous avez considérablement changé en 2 ans. Oui, nous avons beaucoup changé par rapport à avant. Maintenant, nous sommes habitués. Avant, nous n'avions pas l'habitude avec les gens à l'extérieur. Maintenant, j'ai l'habitude, j'ai suivi les cours, j'ai vu les gens. Nous vivons ici, en France, et nous sommes obligés de nous adapter. Vos filles, là, qui vont à l'école, qui vont jouer dehors, vous êtes inquiète? Comment vous leur parlez? Est-ce que vous leur donnez des conseils? Est-ce que, au contraire, vous les invitez à découvrir la nouvelle culture? On dirait que la petite Aziza est devenue plus française qu'afghane. Hein. Je dis à mes enfants de sortir, d'aller dehors, d'aller à l'école, de rentrer à la maison et de faire leurs devoirs. Je leur dis tout ça. C'est ce que j'essaie. Et aussi qu'ils n'oublient pas leur langue maternelle. J'essaie. Nous essayons qu'il n'oublie pas l'islam et la culture. J'espère qu'elle n'oubliera pas sa culture. J'espère que mes filles et mes fils n'oublieront pas l'islam, leur langue maternelle et leur éducation. Les 4 plus grands sont âgés, mais nous devons faire attention aux 2 petites filles. Parce qu'elles sont petites, elles oublient facilement la culture. Dans la classe de Safa. Le papa de Safa, il n'a pas décidé de partir comme ça parce qu'il en avait envie. Il a été obligé de quitter son pays à cause de la guerre. Et donc, on essaie de comprendre comment ça se passe, si tout se passe bien, quoi. En fait, Safa, quand elle est venue, elle était vraiment en guerre. Quand elle est venue... Son pays, oui. Vous vous intéressez aussi sur ses origines? Oui, bien sûr. Oui, oui, on essaie de comprendre sa culture. Tu veux ajouter quelque chose, Safa? Ça doit être difficile pour elle, là, parce qu'elle est au centre de tout. Est-ce que vous faites... Vous pouvez chanter. Donc l'eau qui coule est pour demain, un trésor, le tien, le mien, l'eau dans le creux de nos mains, prenons-en bien soin. Juste là. Est-ce que vous avez toujours travaillé tous les deux? Ça fait 21 ans qu'on travaille ensemble. On est un vieux couple en fait. C'était Une famille afghane en Touraine, coordination Perrine Kervran, attachée d'émission Marie-Vonne Abolivier, lecture Olivier Martineau et Stéphanie Villeneuve, un documentaire pour LSD de Raphaël Kraft et Guillaume Baldi. Remerciements à Aziz et les siens pour leur accueil. Migrantes, exilés, réfugiés, refoulés ou militants associatifs, LSD, c'est tout pour cette semaine. Toutes les informations sur la page de l'émission et le podcast sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Anaï Morales et Anne-Lise Signoret. Et la semaine prochaine, nous irons faire un tour sur les chantiers. Mais demain, à la même heure, c'est grand reportage.